Transistor. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mercredi 20 mai. Dans un instant, on retrouve Edgar Morin pour évoquer avec lui les stars qui ont marqué sa vie, notre rapport aux stars aujourd'hui. Puis en deuxième partie, nous parlerons en compagnie de Jean-Antoine Gilly, critique de cinéma et spécialiste du cinéma italien, d'un film de Vittorio De Sica qui ressort au cinéma. C'est un film de 1952, un de ses meilleurs films d'ailleurs. Umberto Di, on en parle tout à l'heure, aux alentours de 6h20. Puisque nous sommes de plein pied dans le cinéma, il y a une question toute simple que je voudrais vous poser. Quand on débute dans le cinéma, madame, et que l'on est belle, est-ce que c'est un avantage ou au contraire un handicap? Écoutez, pour moi c'était un avantage parce que avec ma beauté... Pourquoi vous souriez en me disant mais parce que je me sens pas du tout belle. C'est de la fausse modestie. Non, parce que je ne crois pas que je suis belle dans le sens classique du mot. J'ai un nez trop long, une bouche trop grande pour mon petit visage, tout ça. Mais en tout cas, ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai pu commencer à faire le cinéma parce que les gens croyaient que moi, j'étais très belle. Mais mon but, ce n'était pas de rester la beauté du cinéma italien. Mon but, c'était de faire l'actrice parce que c'était une chose que moi, je sentais dedans moi. Et peut-être même avec mes limites, mais quelque chose que moi je pouvais faire et assez bien s'il me donnait des choses bien pour moi, pour mon tempérament. Et tout à fait au début c'était formidable parce que c'était pas très facile, mais assez facile. Et la chance, je dois dire, qui Desica m'a donnée, c'était avec l'Or de Naples, parce que j'ai pu être connue sur le plan international. Mais surtout avec La Ciociara. Qui vous a valu un Oscar à Hollywood. Qui on m'a donné un Oscar à Hollywood. Les fantômes du cinéma par Edgar Morin. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, troisième épisode. Est-ce que notre rapport aux stars a évolué? À l'époque de la sortie de votre livre consacré aux stars, Les Stars, c'était en 1957, il vient d'être réédité d'ailleurs, vous disiez que la star est une déesse car elle présente et rassemble un ensemble de critères proches des caractéristiques divinatoires. En effet, la star est aimée et aime, elle bénéficie donc des puissances divinatrices de l'amour et de la beauté étant un élément essentiel de la star. Oui, ben c'était vrai. Mais écoutez, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit l'autre fois, la beauté classique n'est plus tellement une norme absolue. Et quand je parle de divinisation, c'est une divinisation inachevée parce qu'elle n'accède pas à l'immortalité. Ou bien, si vous voulez, elles peuvent accéder à une durée au-delà de leur vie dans les films classiques que l'on repasse aujourd'hui. Alors quand vous voyez ces stars au Festival de Cannes, vous avez commencé à couvrir le Festival de Cannes en 1951 d'ailleurs, c'était votre premier Festival de Cannes, quand vous voyez tout ce cérémonial des stars présentes en chair et en os, vous dites que à partir de ces années-là, le cinéma cherche à rendre les stars humaines, puisque les stars participent désormais à la vie quotidienne des mortels, ce ne sont plus des étoiles inaccessibles, mais des médiatrices entre le ciel et la terre. Oui, oui, mais ça revient à peu près à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on accepte de les voir dans des positions profanes, dans des situations intimes, familières, où on montre qu'elles font partie de notre propre essence à nous. C'est-à-dire qu'elles ont quelque chose qui est de nous, comme nous, et elles ont quelque chose de supérieur à nous. Est-ce qu'on est passé d'une période, et que vous avez connu peut-être cette période, où on passe de la divinisation des stars à une identification de la star? C'est-à-dire, avant, on était... on admirait ces fantômes, et puis peu à peu, on a cherché à s'identifier à ces personnages, et que du coup, la nature même des stars a évolué. Ben, vous savez, le problème de l'identification, il se pose en permanence au cinéma, dans notre relation avec les acteurs qui sont sympathiques. Alors évidemment, donc quand on est du sexe masculin, on s'identifie aux acteurs masculins et féminins aux féminins. Et on se projette et on s'identifie à la fois. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on peut qu'il y a ce phénomène de à travers cette sympathie, cette empathie, que l'on peut comprendre des personnages que dans la vie normale on rejette, comme le vagabond, comme le criminel, comme le gangster, etc., comme le rhum, tout ça. Grâce au cinéma, on les aime, on voit qu'ils sont humains comme nous. Donc ça, c'est un rôle que la star peut servir de médiation quand elle interprète de tels personnages, quand c'est Marlon Brando qui joue le parrain, ou Al Pacino qui joue le parrain numéro 2. Mais elle favorise, si vous voulez, notre capacité à comprendre des personnages que dans la vie normale, nous rejetons et nous étiquetons, n'est-ce pas, avec beaucoup de dégoût, voilà. Est-ce que vous considérez votre livre Les Stars comme un livre de sociologue ou d'anthropologue ? Mais vous savez, c'est un livre, je dirais, qui est un peu tout ça, parce que j'ai vu dans La Star cette dimension quasi divinisée qui relève de l'anthropologie, mais en même temps, il y a une histoire des stars au XXe siècle, et notamment dans la société dans l'époque, qui était un aspect sociologique et historique. Et j'ajoute au plus qu'il y a l'aspect économique, parce que les stars sont en même temps que déesses des marchandises, c'est-à-dire qu'elles valent très cher, puisque les producteurs... Pour garantir la vente et la rentabilité de leurs films, vont prendre les stars les plus populaires, les plus aimées, en espérant que ça attirera le public. Donc, les stars ont une dimension économique, et moi, fidèle à ma façon, je dirais, transdisciplinaire de voir les problèmes, j'ai voulu voir la star à la fois sous son aspect économique, sociologique, psychologique, d'actrices, parce que ce sont aussi des actrices, je sais pas, et je dirais proprement cinématographique, parce qu'il y a cette vertu qu'est la photogénie, que des gens n'ont pas et que certains autres ont. Donc, vous voyez, c'est le caractère multidimensionnel de la star qui m'avait intéressé et que j'ai traité. Au moment où vous rencontrez Jean Rouch et que vous allez faire un film avec lui, c'est un film documentaire, réaliste, à cette époque ça se fait pas beaucoup, on est en rupture avec le cinéma qui fait rêver, avec le cinéma où les stars sont tout à la fois divinatoires, inaccessibles, où on voudrait s'identifier à elles, mais parce qu'elles sont justement exceptionnelles, là vous êtes allé à la rencontre des gens ordinaires pour les immortaliser dans un document. À ce moment-là, quand vous avez cette idée de faire ce film sur les Parisiens avec Jean Rouch, est-ce que vous étiez en rupture avec cette idée de divinisation des stars ? Non, écoutez, cette idée de divinisation des stars, je la constatais. Mais moi-même, quand j'étais adolescent, je vous l'ai dit, j'ai vécu ce processus, mais j'avais cessé de le vivre au bout d'un certain temps, bien que j'aime et j'admire des stars. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de rupture. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, j'aime beaucoup le cinéma romanesque, qui raconte des histoires, mais ça n'empêchait pas que parallèlement, au cours des années 50, j'ai fait partie d'une petite équipe de documentaristes qui recherchaient des documents humains, dans lesquels il y avait Jean Rouch, il y avait Mario Ruspoli, il y avait Jacqueline Veuve, qui est une Suisse réalisatrice, enfin, Luc Deuge, un cinéaste belge, et c'était un peu ce qu'aujourd'hui on appelle le cinéma du réel, c'est-à-dire on cherchait à avoir des documents humains sociaux, sociologiques ou anthropologiques, mais surtout humains. Et comme je faisais partie un petit peu de cette équipe, parce qu'on peut... j'aime le cinéma sous plusieurs aspects, j'aime aussi les dessins animés, si vous voulez. Bon, j'ai, donc, il s'est trouvé que j'allais souvent dans des festivals de ce genre de films, il y avait eu à Locarno, et il y a eu le premier festival qu'on appelait Festival des Peuples à Florence, en 59, où j'étais au jury avec Jean Rouch. Et c'est là, en voyant un certain nombre de films, et moi j'avais déjà vu des films de Jean Rouch que j'aimais beaucoup, que j'admirais, comme Le Maître Fou, je lui ai dit, écoute, pourquoi tu ne ferais pas avec moi un film, non plus en Afrique, mais à Paris, sur le thème « Comment vis-tu ?». Et les choses sont allées très vite, parce que comme je connaissais le producteur d'Oman, qui avait produit Hiroshima, mon amour. Je lui ai dit ce projet en 5 minutes dans sa voiture. Voilà, avec Rouch, on veut faire un film sur le thème « Comment vis-tu ?». Il m'a dit tout de suite « J'achète ». Et puis c'est parti comme ça. C'est aussi désert cette place de la Concorde. J'ai 20 ans. 15 ans. Je me souviens plus maintenant. Petit boy. Tu verras. On ira là-bas, mais on travaillera dans des usines. On se verra le dimanche, je disais papa. Toi, tu me répondais. Tu es jeune, toi, tu reviendras. Moi, je reviendrai sûrement pas. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Est-ce que quand même on fait avec les gens du réel un casting en essayant de choisir plutôt les personnages les plus emblématiques, celles qui passent bien à l'écran, parce qu'il y a un très beau passage où on vous voit avec Marceline Nouridan et déjà elle a quelque chose de la star. Est-ce que même dans le cinéma du réel on est obligé de passer par les artifices du cinéma traditionnel tel que lancé par Hollywood? Écoutez, non. Je ne pense pas du tout, puisque ces personnes parlaient d'elles-mêmes, pour nous, pour le film. Elles ne jouaient pas un rôle, même si elles disaient qu'elles jouaient leur propre rôle, mais ce n'était pas un rôle extérieur. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à un point de... Dans le fond, vous voyez, ce film, Chronique d'un été, est venu de la conjonction de deux choses. Moi, ce qui m'avait fasciné, c'est un film de Rogojine, comme Back Africa, où l'on voyait des gens, des militants, qui, en buvant de la bière et en mangeant, parlaient de tous leurs problèmes qui les intéressaient. Et moi, je pensais qu'il fallait partir à table, parce que boire et manger en commun favorisait la communauté, la communication, et parler sur les problèmes de vie à chacun, comment vis-tu, comment tu te débrouilles avec la vie, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé, et là-dessus s'est greffée une autre préoccupation qui est celle de Rouch, qui était de faire le cinéma direct, c'est-à-dire avec une caméra et prise de son direct, ce qui à l'époque n'existait pas. On ne pouvait pas prendre la voix des gens dans la rue ou dans une activité quelconque, et de prendre un peu de filmer sur le vif. C'est déjà une tendance qui existait, c'est les films de Lee Koch aux États-Unis, mais là, il y avait une caméra qui avait été mise au point par Coutant. Donc, c'était la conjonction de deux approches, la mienne qui était le « comment vis-tu » d'avoir le rapport intime et la confession de vie, et celui de Rouch. Là-dessus, on n'a pas fait de la mise en scène, on a fait parfois de la mise en situation. parce que quand on faisait ses repas, c'est une mise en situation. Mais par exemple, dans la scène où Marceline se promène place de la Concorde, en effet, comme c'était le 15 mai, je crois, enfin le 15 août, pardon, enfin une journée où c'était désert, Rouch a eu l'idée de lui mettre l'appareil d'enregistrement dans un petit sac et de marcher et de faire ses réflexions où elle évoqué sa déportation et celle de son père. Mais c'est une mise en situation, c'est pas une mise en scène. Merci Edgar Morin. Moi je joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Non ho più nessuno, né un figlio né un fratello che possa aiutarmi. Sono un vecchio buono a nulla. Coraggio Valente, Umberto Domenico Ferrari. Chi vive oggi con 18.000 lire al mese? 10.000 me le prende la padrona di casa. Mi ha anche aumentato l'affitto, quella... Scusi. Oh, dica pure. Siamo tra uomini. Puttana. Avrebbe bisogno di un orologio, lei? No, ce l'ho l'orologio. Non ce l'ho più, ce l'ho. Bello orologio. Io ne ho due e per questo lo vendo. Tic-tac. E suo, che marca è? È buono. Ha anche la cassa d'oro. Io sono arrivato, abito qui. Buongiorno. Bonjour Jean-Antoine Gilly. Bonjour. Vous êtes historien du cinéma, spécialiste du cinéma italien, critique du cinéma aussi. Et je vous ai invité ce matin pour nous parler d'un film de Vittorio De Sica qui ressort en copie neuve au cinéma. Un film avec Carlo Battisti dans le rôle titre du film, Umberto D. Et je vous invite parce que vous êtes en train de préparer un livre sur Vittorio De Sica. En quoi ce film est-il important dans la carrière du maître du néo-réalisme italien? Important, c'est non seulement important, mais sans doute le plus important. C'est le De Sica magistral, c'est le De Sica de la grande époque. Vous savez, la carrière de De Sica est une carrière très longue, qui s'est étalée sur... plusieurs décennies, qui a commencé dans les années 30 et qui s'est terminée au début des années 70, donc une carrière considérable, qui a d'abord été une carrière d'acteur, puis une carrière de metteur en scène. Et si nous nous bornons à la carrière de metteur en scène, puisque aujourd'hui Umberto D, c'est le De Sica metteur en scène, puisqu'il n'apparaît pas comme acteur dans le film, cette carrière, elle se divise en trois parties. Il y a au cœur de la carrière le moment néo-réaliste, dans lequel on trouve précisément Umberto D, avec Miracle à Milan, avec Le voleur de bicyclette, avec Chouchia. Il y a les films tournés avant et les films tournés après. Alors, les films tournés avant, c'est un peu des films préparatoires. C'est des films dans lesquels il apprend son métier, d'une certaine façon. C'est pas évident pour un acteur de devenir metteur en scène. Surtout lorsqu'on est scrupuleux, qu'on veut faire le mieux possible. Et puis, après cette période extraordinaire, les films qui suivent sont de qualité inégale. Il y en a encore de très bons. Il y en a qui, à l'évidence, sont faits avec la main gauche, sont faits pour des raisons économiques, sont faits sous la pression des producteurs. Ou pour le plaisir de tourner avec Sophia Loren, par exemple. Ou le pain, amour et jalousie et compagnie. Oui, Sophia Loren, il l'a à la fois comme actrice dont il dirige le jeu, mais il l'a aussi comme partenaire. Dans certains films, ils jouent ensemble. Et c'est un couple d'ailleurs qui fonctionne très très bien, un peu un couple de nature père-fille. Hein, c'est pas un couple. Le couple égalitaire, c'est Sofia Loren et Marcello Mastroianni. De Sica est plus âgé, donc c'est un peu une figure paternelle vis-à-vis de Sofia Loren. Et d'ailleurs, dans son livre de souvenirs, au moment de la disparition de Sica en 72, elle est effondrée. Elle traverse cette période avec beaucoup de peine, tellement elle était attachée à cet homme dont elle considérait qu'il avait beaucoup participer à sa formation. Pour revenir au film qui sort aujourd'hui au cinéma, Jean Gilly, c'est-à-dire Umberto Di, Vittorio De Sica le réalise en 1952, est-ce qu'il est déjà reconnu comme le porte-flambeau du cinéma néo-réaliste italien? Oui, sûrement. Il l'est déjà reconnu puisque c'est dans les films néo-réalistes importants qu'il réalise dans ces années-là. C'est le quatrième, c'est même le dernier. Après, il passe à autre chose. Il tourne notamment Station Terminus avec Jennifer Jones et Moncrief Clift. On est loin des non-acteurs qu'il avait dirigés jusque-là. Ce qui lui a donné cette espèce de reconnaissance, c'est Le voleur de bicyclette. Le voleur de bicyclette. Hein. Et Umberto Di va poursuivre dans la 16. Dans le fond, c'est un cinéaste qui procède par élimination progressive en faisant disparaître tout ce qui pourrait retenir le spectateur. Parler des vieux, ça n'a jamais été un sujet qui puisse passionner le public. Et donc, lui, son protagoniste, c'est un retraité. Et c'est la description des déboires de cet homme qui a les plus grandes peines du monde à pouvoir boucler ses fins de mois. Donc, et à trouver donc du travail. Alors, ce film, qui était donc considéré comme un des grands films du néo-réalisme italien, quand il nous arrive 60 ans plus tard, on a envie de dire que c'est un mélo italien, et pourtant s'il nous touche, c'est parce qu'il arrive aussi à un moment où l'Europe traverse une crise économique, et donc on peut s'identifier à ce personnage magistralement interprété, faut le dire, par Carlo Battisti. Oui, Battisti était un vieux professeur d'université, donnant d'ailleurs une apparence plus âgée qu'il n'était en réalité, puisqu'il n'était pas encore à la retraite au moment où De Sica le découvre par hasard dans la rue et le choisit, parce qu'il a justement l'impression qu'il est physiquement exactement le personnage qu'il recherche, et de surcroît, il va être également psychologiquement le personnage qu'il recherche. Donc ce vieil homme va interpréter ce retraité et je crois qu'il faudrait surtout pas considérer qu'Umberto Di est un film qui appartient à l'histoire du cinéma au mauvais sens du terme. Un film archéologique, un film patrimonial qu'il faut aller voir presque par devoir. Non, c'est un film qu'il faut aller voir parce que il y a un sens du récit, il y a un sens de la création d'une atmosphère qui est celle de cette Rome du début des années 50, qui est déjà une ville très belle. On le voit d'ailleurs dans le film, hein, même si c'est absolument pas le sujet du film. Et De Sica nous raconte une histoire qui, aujourd'hui, est particulièrement touchante. En plus, c'était quelqu'un qui avait eu une existence professionnelle relativement convenable. Il était fonctionnaire dans un ministère, il avait passé toute sa vie à être fonctionnaire dans ce ministère, et on peut donc imaginer, et aujourd'hui on est confronté exactement à ce même type de problème, c'est-à-dire qu'après une existence de travail, la retraite doit vous permettre de vivre décemment jusqu'à votre disparition. Or là, cet homme qui loue une chambre chez une logeuse est dans une situation absolument épouvantable, et de surcroît, il a en quelque sorte chargé la barque en ayant un chien. Ce qu'il faut, dans le film, il doit également s'occuper de ce chien qui est un souci supplémentaire dans toutes les vicissitudes de son existence. Buonasera. Buonasera. 2005. Ho detto 2000 ieri e 2000 oggi. 2400. È un caro ricordo, sa. Sono come i nuovi. Non li ho mai aperti per non sciupare. Li rido proprio perché ho la febbre. Un grand film sur un héros du quotidien, c'était le précieux cadeau de De Sica pour son père et pour nous. Ça, c'est Martin Scorsese, bien sûr, qui le dit à propos de Dumbaltoudi. Un film qui rappelle quand même les premiers Charlie Chaplin. Oui, alors il y a la référence. Oui, la référence, elle est signée, elle est même voulue. Elle est voulue. De Sica nourrissait une admiration, d'ailleurs, il n'était pas le seul. Considérable pour Chaplin, qui était un peu un modèle, qui était aussi un peu un modèle parce que le Chaplin des temps modernes et des lumières de la ville, hein, il faut le préciser bien sûr. Tout Chaplin, bien entendu, ou le Kid même, hein, il y a des choses du Kid, les rapports avec ou une vie de chien, enfin il y a quantité de films qu'on peut citer, et le rapport avec Chaplin est aussi dû au fait que Chaplin était lui-même metteur en scène et comédien. Hein, ce qu'était De Sica. De Sica ne perd jamais de vue le fait que s'il sait diriger les acteurs, c'est parce que lui-même a une grande expérience. Et Battisti raconte d'ailleurs dans un petit ouvrage qu'il a publié pour évoquer son expérience que De Sica jouait les rôles. C'est-à-dire leur montrer, leur donner des directives, et ces directives, elles étaient illustrées par son propre comportement. C'est-à-dire qu'avant de leur demander de jouer une scène, il la jouait lui-même. On a parlé de l'influence ou de l'hommage à Charlie Chaplin. On pourrait toujours, pour Humbert Odet qui sort aujourd'hui en nouvelle copie, hein, c'est une copie restaurée, ce film de Vittorio De Sica, on peut parler de l'influence de Kafka dans l'œuvre de Sica et particulièrement dans ce film, Jean-Gilly. Oui, l'influence de Kafka, l'influence aussi de Tchekhov que De Sica connaissait pour avoir consacré son travail pendant de très nombreuses années au théâtre. Et Kafka, c'est un peu ce sentiment de l'absurde, c'est un peu ce sentiment de la réalité opaque à laquelle on est confronté et qui ne vous apporte aucune réponse. Et d'ailleurs, ce sentiment de l'absurde et de l'impossibilité à trouver une réponse satisfaisante, le final du film le démontre de manière magistrale. Le film ne se termine pas. Le film se termine sur une espèce de pirouette, Umberto poursuivant son chien, mais rien n'est résolu des problèmes qui sont les siens. Donc on peut se demander quel avenir attend ce malheureux Umberto. Donc il y a de la part de De Sica une espèce d'aptitude à raconter une histoire zen. C'est un film sans histoire, l'histoire d'un vieil homme qui cherche désespérément à trouver une solution à ses difficultés et qui par ailleurs est confronté à une jeune bonne dans la famille dans laquelle il a loué une chambre et qui est peut-être encore plus désespérée que lui parce que elle a 20 ans, elle est enceinte, elle ne sait pas qui est le père parce qu'elle a eu plusieurs relations et elle hésite entre deux de ses amants. Elle va être renvoyée chez elle et donc c'est peut-être encore plus désespérant parce qu'elle est jeune, vieux, proche de la mort, jeune, une vie devant soi. Umberto D, le film de Vittorio De Sica, réalisé en 1952 et qui ressort aujourd'hui en copie restaurée, une belle image en noir et blanc signée J.R. Aldo. Merci beaucoup Jean Gilly d'être passé ce matin. C'était donc Un autre jour est possible, votre réveil culturel que vous pouvez réécouter en passant par franceculture.fr. On se retrouve demain à la même heure avec Edgar Morin pour la suite de notre série consacrée aux stars, les fantômes du cinéma. Et en deuxième partie, je serai avec Anna Roussillon qui présente à Cannes, dans le cadre de la sélection de l'Acide, un documentaire tourné en Égypte qui a pour titre « Je suis le peuple ». Bonne matinée, à demain.